Poussé par une épouvante inexplicable, Kitty Bell vient retrouver Chatterton. Il lui fait ses adieux et, dans leur trouble, ils découvrent leur amour mutuel. Mais le poison agit lentement. Chatterton tombe sans vie et Kitty meurt à son tour, victime de cette violente émotion, sous les yeux épouvantés de John Bell et de ses enfants. Les derniers mots sont prononcés par le Quaker à genoux. « Oh, dans ton sein, Seigneur, reçois ces deux martyrs. »